Allez, première doublette de l'aspect française et pas des moindres, puisqu'on retrouve Fange, la formation rennaise, qui fête ses 10 ans d'existence. Ils sortent là leur cinquième effort studio. Un nouvel effort studio qui marque un peu plus l'évolution musicale du groupe. De base, un sludge crasseux. Ils évoluent maintenant vers quelque chose de plus metal indus, presque death metal, avec toujours ce fond un peu boue sludgy dans les ambiances. C'est lourd et massif, sauf que là on est de plus en plus vers un rendu martial et froid, plutôt que sale et viscéral comme au début de leur carrière musicale. Et on a même quelques petites sonorités non-métal dans le tas, telles que du post-punk et de la cold wave. Fange évolue très bien, mais reste reconnaissable quand même dans ses intentions. Et à noter au passage que le groupe compte maintenant deux guitaristes, puisque Titouan Le Gall, que l'on connaissait déjà dans Acedia Mundi, Hostile et autres Epectas, a rejoint la formation en 2022. En doublette avec Fange, L'Omor, la formation qui nous vient de La Réunion, le groupe qui nous fait du trash bien incisif, hein, qui nous sort là son premier album studio. Bon, le groupe est tout jeune, hein, 5 ans d'existence seulement. C'est très classique, mais c'est surtout très bien fait. On va donc s'écouter Fange, le morceau Les Crocs Limés, extrait de l'album Privation, toujours dispo chez SrotsRunner Records, bien évidemment. L'Omor ensuite avec le morceau Psychose, extrait de l'album Perseverance of Sickness. Et c'est parti. Nouvelle doublette française et nouvelle nouveauté, Asile Obscène. Le groupe nous vient du sud de la France, de Tarbes plus précisément. Ils nous proposent du death metal et ils viennent donc là de sortir leur tout premier album. Au niveau de l'historiographie du groupe, c'est un peu obscur, on n'a pas trop d'infos. Apparemment, le groupe aurait vu le jour à la toute fin des années 90. Mais, les premiers sons ne seraient sortis officiellement qu'au courant des années 2010. Musicalement, on est sur du death bien crado, d'inspiration Malevolent Creation, et avec même la violence d'un Crijun. Rien de neuf dans ce qu'il nous propose, mais ça tape bien comme il faut. Et puis voilà, ça reste vraiment qualitatif ce que nous propose Asile Obscène. Ils sont en doublette avec la Hess, groupe de punk hardcore à tendance sludge qui nous vient de Lyon. Ils évoluent autour du collectif de l'Ixiviat Record avec des groupes tels que Srivelian Sower, Ordure et autres RAN. On a même des séquences un peu plus poisseuses, un peu sludgy, hein, sur leur punk hardcore, un peu crust, bien vénère. Voilà, les présentations sont faites. Asile Obscène, Nightmare for All, extrait de l'album Horribilis Sanctum. La S, extrait de l'album Rue de l'œuvre, et on s'écoutera le titre, fort justement appelé Dans la merde. Awesome. doublette suivante avec une petite nouveauté dedans, mais tout d'abord In Der Welt qui nous permet de clôturer l'aspect française pour aujourd'hui. Le groupe de post-hardcore, post-metal nous vient de Clermont-Ferrand. Ils viennent de sortir leur premier album studio, un album éponyme. Des compos qui font 4 minutes, pas trop de longueur, hein, pour le style on a pu entendre des morceaux un peu plus longs. Une recette lourde, atmosphérique qui va à l'essentiel. Très inspiré par le post-hardcore des années 90, hein, type Amen Ra, Neurosis et autres Cult of Luna, bien évidemment. Et en doublette avec In Der Welt, on retrouve Ultar, groupe de Black Death qui nous vient des États-Unis. Actif depuis une dizaine d'années, ils viennent de sortir deux albums chez 20 Buckspin Records. Et avant ça, ils avaient déjà sorti deux albums ces dernières années. Le premier album dont on diffuse là des extraits, c'est un 8 titres dans des durées plutôt classiques, hein, 5 minutes à peu près. Et le deuxième album a deux morceaux de 20 minutes chacun. Musicalement, ça correspond parfaitement au credo de l'émission, c'est juste que ça nous ferait faire de l'editing vraiment violent et qu'on veut surtout pas gâcher les morceaux qu'on vous diffuse. Voilà, donc ça, c'est tout ça pour vous donner vraiment envie de vous procurer l'album ou de l'écouter par vos propres moyens. On est donc sur un mix bien subtil entre du black et du death, complexe et nuancé. Gros travail au niveau du riffing avec des changements de tempo un peu dans tous les sens. Des passages vraiment rampants et vraiment malsains et des passages beaucoup plus dévastateurs et violents. C'est intense et vraiment bien chiadé la musique de Ultar. Et puis voilà, nous, c'est déjà un groupe qu'on a diffusé. Et puis de toute façon, tout ce qui sort chez 20 Buckspin, c'est de la grosse qualité. In Der Welt tout d'abord, Watchtower, extrait de l'album du même nom. Ultar ensuite, Céphalophore, extrait de l'album Anstronomicon. C'est parti. prophète et oui, une tempête d'apocalypse. Est-ce que vous croyez que le ciel va vraiment s'obscurcir? Est-ce que vous croyez que cela va aller mal pour les hommes? Bah, dites-nous si vous voulez, comment vous voyez l'avenir immédiat? Si tous les hommes ne voulaient pas aller à la guerre, c'est très simple, ils diraient je n'y vais pas. Mais ils ont le désir de mourir. Il y a un désir, il y a un autotropisme chez l'homme. Par exemple, quand vous voyez les accidents de tombe d'arrivée, ne croyez pas que ce soit tous involontaires. Il y a des gens qui vont vraiment dans l'arbre. Et on arrive tranquillou vers la fin de l'émission, et la doublette suivante, c'est une doublette de nouveautés. Tout d'abord, Colpo Clasis, le groupe de Brutal Slam Death qui nous vient d'Angleterre, actif depuis une dizaine d'années, vient tout juste de sortir son second album studio, qui a vu le jour 6 ans après le tout premier. Au passage, il y avait eu un EP en 2020, et quelques changements de line-up et de label. Le nouvel album studio, 11 titres pour 28 minutes, on retrouve quelques guests, vocalistes de Crepitation et les deux membres de 357 Homicide, le groupe de slam qui nous vient d'Allemagne, si je ne m'abuse. Musicalement, ça respecte bien les codes du genre, c'est dévastateur, c'est groovy, c'est mid-tempo bien écrasant quand il le faut. Voilà, Coldplay Oasis, on en veut. Lividus, une autre formation qui nous vient des États-Unis, ça nous vient de l'Oregon plus précisément, active depuis 6 ans. Ils sortent là leur deuxième EP. Alors accrochez-vous au niveau du line-up. Deux hommes, deux femmes. Tout d'abord, une bassiste et une chanteuse qui a été vocaliste pendant 5 ans du groupe de doom Witch Mountain. Et au niveau des deux bonhommes, on retrouve le batteur qui frappe actuellement chez Skeletal Remains. On est sur un espèce de trash death un peu proguisant, technique variée. Musicalement comme vocalement, la chanteuse fait un putain de taf. Et voilà, derrière musicalement, ça soutient vraiment bien l'ensemble. Au niveau du style, on peut un peu se rapprocher d'un Hammers of Misfortune, également groupe à chanteuse, hein, qu'on a diffusé à la toute fin de l'année dernière. Voilà, c'est dynamique, c'est riche et même un peu imprévisible dans le style. Et puis la petite anecdote bonus, c'est que c'est Mr. Leon Del Muerte, vocaliste de Impaled, voilà, l'excellent groupe de Gordes ricain, qui s'occupait de l'enregistrement et du mixage, hein. Ça fait pas très longtemps qu'il s'est lancé dans les affaires du genre, et ma foi, il le fait plutôt bien. Et en doublette avec... Eh ben non, c'est bon. Il n'y a pas de doublette haute, c'est bon, c'est fait que le Coldplay Lividus. Et ben c'est bon, les présentations sont faites. Coldplay Third Degree Girls, extrait de l'album Elegant Degradation, toujours dispo chez Relative Fair Records. Lividus, Tisforundal, extrait de l'album Terra Thorns. De l'EP, pardon, Terra Thorns. C'est une autoprod, et c'est déjà dispo, c'est parti. Yeah. Doublette suivante avec encore une petite nouveauté, bah c'est la dernière pour l'émission d'aujourd'hui, Dryad, autre formation ricaine qui nous vient cette fois de l'Iowa, active depuis 2017 et qui après une poignée d'EP vient de sortir son premier album chez Prosthetic Records. On est sur une espèce de black crust bien primitif, c'est agressif, on sent vraiment agressé quand on écoute ça, hein. C'est ultra sale. Notamment une chanteuse guitariste au timbre bien arrangé, bien féroce, et un côté caveman style dans le fond musical. Des influences proto-BM, hein, avec un son un peu à la Celtic Frost Hellhammer. Des rythmiques vraiment crust-punk, hein, coucou la 10 bits, et quelques petites nappes de clavier bien lugubres pour renforcer les ambiances bien sales. Et voilà, bon, dans un style bien radical mais tout aussi vénère, 7H Target, groupe de Brutal Slam Death, Technical Brutal Slam Death qui nous vient des États-Unis, de Russie, pardon, voilà, ça sonne comme des ricains mais c'est des Ruskov. Au passage, il passe de Severed à Willowtip Production. Voilà, c'est toujours aussi brutal, groovy, dévastateur. Puis leur bassiste est vraiment un gros barjot. C'est ultra efficace ce qui nous fait. Brian Poole Aberration, le titre de Dryad, extrait d'album The Abyssal Pain. 7H Target, Meditation, extrait d'album The Yanta Creating. Et tout ça, c'est déjà disponible. We'll be right back. Dernière doublette pour l'émission de ce soir, avec tout d'abord Casque Formation qui nous vient d'Inde. Un groupe de trash actif depuis 2015, il vient de sortir son tout premier EP. Un 4 titres d'un trash plutôt incisif, bien agressif vocalement et clairement d'inspiration 80s. Rien de bien de neuf forcément dans le style, mais ça reste bien impliqué et appliqué. Et puis surtout, la formation nous vient des Indes. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de diffuser un groupe du genre. Et en clôture de l'émission de ce soir, Fister Decay, on va toujours chercher du côté de l'est de la planète, avec voilà cette formation qui nous vient du Japon, groupe de Gorgrind, originaire de Fukuoka, l'île la plus méridionale du Japon, active depuis 2016, ils sortent là leur premier véritable album longue durée, après bien évidemment tout ce qu'il faut de split et de démo, c'est gras, c'est groovy, ça dégouline, c'est Gorgrind quoi tout simplement. 30 minutes pour 14 compos, voilà, on va chercher dans la veine des premiers Carcasses et autres Dead Infection. Hop, bon, je sais pas si ce sera coupé au montage, les petites voix que vous entendez derrière, c'est pas grave, ça rajoute à la magie de ce qu'on vous diffuse musicalement. Comme quoi, là, garantie sans trucage, du fait à la maison. Casque, tout d'abord, Deal with the Devil, extrait de l'EP du même nom. Fister Decay, ensuite Karma Scum, extrait de l'album Reality Return to the Core, une sortie sur le très très bon label Everlasting Spew Records. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain pour cette fois une émission en direct. Ciao ciao, même le chat s'y met.